Et on retrouve Clara Gelf qui, Bonjour. en plus de faire la mise en onde aujourd'hui, nous prépare, entre autres, nous a préparé une entrevue avec Frederico Uribe, qui est un photographe colombien qui s'est intéressé à un cirque social près de Bogota. Exactement. En fait, j'ai vu cette exposition au TOHU, donc ici à Montréal. Frederico Uribe, c'est un photographe d'origine colombienne qui vit à Montréal depuis 2008. Où il est arrivé d'abord pour étudier et ensuite il a décidé de s'y installer après avoir vécu en France, notamment au Guatemala, dans plusieurs pays. Il travaille maintenant comme photographe indépendant à Montréal. Donc sa première rencontre avec Circo Ciudad, c'était il y a quelques années dans le cadre d'un reportage qu'il a réalisé pour un magazine local. Et il a tellement aimé qu'il a décidé d'y rester pendant 6 mois et de suivre les artistes et les participants. Voilà, donc il a suivi l'association et c'est au cours de ces 6 mois-là qu'il a pris les photos qui sont exposées en ce moment au TOHU. Donc Circo Ciudad, c'est une organisation sans but lucratif qui est dédiée au développement et à la promotion des arts de la scène et du cirque contemporain dans le quartier fragilisé de Bogota qui s'appelle Ciudad Bolívar. Donc l'objectif de Circo Ciudad, c'est de proposer des activités de création s'inscrivant comme une alternative à la délinquance, à la criminalisation et au décrochage scolaire, donc dans des quartiers qui sont quand même marqués par la pauvreté. Les intervenants formateurs de Circo Ciudad, ils ont en tête de transformer la vision du monde des participants par la promotion d'une pédagogie qui se fonde sur l'équité entre les hommes et les femmes, le développement de l'estime et de l'image de soi, tout en misant sur l'autonomisation des jeunes et l'insertion sur le marché de l'emploi dans le domaine culturel. Cette volonté de concevoir le cirque comme une activité, comme un levier de transformation sociale et individuelle, c'est le propre de ce qu'on appelle le cirque social. Le cirque social, c'est un terme plus général qui est utilisé pour regrouper les différentes initiatives qui naissent de la rencontre des arts du cirque et de l'intervention sociale et de l'éducation populaire. Donc, par cette exposition, Frederico Uribe nous fait connaître cette très belle initiative par des magnifiques photos colorées et très saisissantes. C'est ce qu'il va nous expliquer, son processus de création dans cette entrevue qui a eu lieu la semaine dernière. Bonjour, Frederico Uribe, vous êtes photographe colombien et vous exposez en ce moment au TOHU une exposition qui s'appelle Circo Ciudad Colombia. Pouvez-vous d'abord nous parler de ce projet que vous avez mené en collaboration avec Circo Ciudad près de Bogota? Comment ce projet est né et quelles ont été vos motivations au début de ce projet? Bonjour Clara, comme vous disiez, je me présente, je m'appelle Frederico Uribe. Et je suis photographe et je viens de la Colombie. Je vis à Montréal presque 4 ans. Et le projet exposé à la TOHU, c'est une série de photos que je fais avec le groupe Circo Ciudad. Ça a commencé avec un reportage que je fais pour un magasin au Bogota. Après les reportages que je fais, je continuais en contact avec le groupe Circo Ciudad. Je leur demandais de continuer les photographier. On a travaillé environ 6 mois ensemble et c'était un travail de collaboration. D'accord, donc en fait l'exposition elle vient vraiment d'une volonté partagée entre vous et eux. Ce projet-là, combien de temps il a duré? Au total, ça m'a pris environ 6 mois. On a fait des présentations dans le théâtre, on a fait des présentations dans le chapiteau et aussi je l'ai photographié quand il faisait des pratiques. Et dans cette exposition, on met l'accent sur ce qu'est le cirque social, que tout le monde ne connaît pas forcément. Pour vous qui avez à cœur de faire le lien entre l'art et la jeunesse, puisque j'ai vu que vous avez déjà donné des cours et voilà, enseigné, est-ce que c'est cet aspect de l'activité de Circo Ciudad qui vous a attiré dans ce projet? Oui, c'est pas mal la situation sociale. Et comme vous le savez, en Colombie, on a beaucoup de problèmes et des différences sociales entre les gens qui habitent surtout à Bogota et les grosses villes. C'est que la situation de pouvoir aider les gens plus défavorisés, voir comment les gens peuvent et être créatif dans un milieu difficile, ça m'intéresse beaucoup à travailler avec ce groupe social. Et en particulier les jeunes, j'imagine. Et les gens, les enfants, je peux dire tous les âges, et spécialement les enfants, ils ont beaucoup de plaisir avec les cirques, avec l'imaginaire, avec la fantaisie. Vous-même, vous faites du cirque ou pas du tout? Et j'ai des amis qui sont dans le cirque, je fais un peu des improvisations, et je peux faire un petit peu des acrobates, mais vraiment basic. D'accord. Et alors, pourquoi avoir exposé ici à Montréal et non pas en Colombie? C'était une volonté de montrer justement la Colombie à Montréal? Et en fait, c'était une exposition qui arrivait, je pense que c'est le destin qui arrivait. À la base, je voulais exposer des photos de la scie. Et la personne en charge à la Kourou a vu mes photos de la scie, à Trinazi. Et c'est très beau, votre travail de la scie, mais votre photo cirque, ça nous intéresse plus. D'accord, et alors votre exposition de photos de l'Asie, elles n'ont pas du tout été exposées alors? Ailleurs, pas à la Tohu. D'accord, mais ici à Montréal aussi? Oui, c'était exposé, j'ai imprimé un livre et j'ai fait une exposition à une place qui s'appelle Vice Versa. D'accord. Alors moi j'ai vu votre exposition et ce qui m'a frappé quand on regarde vos photos, ce sont d'abord les couleurs avec un important jeu d'ombre et de lumière, mais aussi la volonté de prendre les artistes dans l'action, un peu comme dans le vif de leur performance. C'est un peu à la fois une mise en valeur du mouvement, mais aussi des expressions de visage. Est-ce que c'est des impressions que vous avez voulu mettre en valeur, ou est-ce que vous n'aviez pas d'attente particulière en prenant les photos, en vous disant chaque spectateur ou chaque personne qui va les regarder en retireront ce qu'elle veut? Et oui, je voulais mettre en valeur les mouvements, la couleur, les feux dans quelques photos. Et je étais avec eux sur les scènes et arrière la scène. Ça veut dire que j'étais presque un artiste de cirque. Je partageais ces mouvements, ces émotions. J'étais proche à eux. Alors c'est un peu ça que je voulais montrer aussi. J'imagine que vous avez fait une sélection des photos avant de les exposer. Sur quels critères vous vous êtes basé pour faire cette sélection? Les critères que je fais, c'est les photos qui étaient plus représentatives au niveau de la couleur, la composition, et les photos qui sont prises pas comme un photographe et spectateur, plutôt comme un photographe partenaire. C'était ça ma sélection. Oui, donc en fait, c'est un peu pour mettre en valeur, vu que c'est du cirque social, vous avez envie de vous impliquer dans ce cirque-là comme n'importe qui, comme n'importe quelle personne qui joue avec Circo Ciudad, c'est ça? Oui, tout à fait. Comme vous bien le disiez, c'était plutôt l'attitude sociale qui je trouvais dans le cirque. La façon, la humanité, la façon de l'approche, la joie humaine qu'il y avait pour créer, pour faire des arts, pour faire des spectacles. Je voulais faire un portrait de ces personnages qui ont plein de joie à faire ça qu'ils aiment. Et alors, est-ce que pour vous, c'est aussi plus généralement donner une image de la Colombie qui vous est chère ici à Montréal, puisque c'est pas forcément très bien connu par tout le monde? Est-ce que vous êtes attaché à cette image-là de la Colombie? Et tout à fait. Et comme je vous dis, ça fait 4 ans que j'habite à Montréal. Et la Colombie, c'est un pays que je connais bien pour un trait propre et pour le travail aussi. J'ai beaucoup voyagé. Et toujours que je peux partager, que je peux montrer un autre visage, un autre façade de la Colombie, je suis très fier de ça, de pouvoir partager des affaires qui entendent des choses positives, des arts de la Colombie. Normalement, on entend beaucoup parler de la Colombie et d'un côté négatif. C'est que c'est toute une fierté pour moi, sortir des images et de la Colombie, sortir des gens, des expressions, des arts qui se font en Colombie. D'accord. J'espère que le froid n'est pas trop dur pour vous en tant que Colombien ici à Montréal. Et voilà, je vous remercie pour ces quelques réponses. Et j'invite tout le monde à venir voir votre exposition qui se tient jusqu'en avril, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est moi qui vous remercie me poser des questions et d'être intéressé à mes photos, intéressé à la Colombie, intéressé à les choses qui se font ailleurs à Montréal. Et c'est une exposition qui dure jusqu'à 21 avril et il y a des visites guidées les 16 et 17 mars. S'il y a quelqu'un qui est intéressé à connaître un peu plus de travail. Parfait, merci beaucoup Frédérico, à bientôt. Et à bientôt Clara, merci à vous.